professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici à nouveau conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment ouvrir son regard ? Nous voici ce matin face à plusieurs histoires qui, malgré leur caractère séparé, se rejoignent d'une certaine façon au point de rencontre d'une Europe impériale et coloniale qui rassemble descriptions et réflexions entre empathie et racisme, entre sciences qui s'élaborent et idéologies sur les peuples du passé et les congénères un peu étranges d'autres contrées. Dès lors, comment les différentes interprétations de l'histoire d'Alexandre le Grand et de ses conquêtes aux confins de l'Orient et de l'Asie, et comment, ailleurs en Afrique australe et en d'autres temps, l'histoire presque sans trace des Khoïkhoï, ce peuple de la vache, qui a disparu mais dont l'Europe des Lumières a porté témoignage, peuvent-elles nous éclairer sur les phénomènes de contact entre différentes sociétés, sur les idéologies, sur le nomadisme, l'assimilation et les métissages. Ce renversement de perspective, c'est ce que nous propose le colloque Migration, Réfugiés, Exil au Collège de France que nous diffusons depuis la semaine passée. Rappelons le postulat de départ du comité scientifique, et je cite « Depuis l'été 2015, l'afflux massif de réfugiés quittant le Moyen-Orient est généralement présenté dans le débat public » comme une crise des migrants qui mettrait à l'épreuve les défenses sécuritaires de l'Europe. On pourrait à l'inverse défendre l'idée que ce défi humanitaire place les réfugiés face à la crise de l'Europe. Elle interroge non seulement l'universalité des droits de l'homme, mais l'histoire même des rapports des sociétés aux grandes vagues migratoires qui les constituent. Pierre Briand, professeur honoraire au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, rappelle que le monde hellénistique issu des conquêtes d'Alexandre a régulièrement été analysé au miroir des colonisations européennes modernes et contemporaines. Ce spécialiste d'Alexandre le Grand a complété son approche antique par un travail historiographique des représentations du roi macédonien et de son empire. De 334 avant notre ère, à sa mort en 323, Alexandre est devenu un mythe en étendant l'empire des Achéménides des côtes de l'Asie mineure jusqu'en Afghanistan et en Inde, en passant par la Perse. Dans une interview pour Le Point en 2013, Pierre Briand soulignait, et je le cite, « C'est à travers Alexandre que l'on ne cesse de penser les rapports de l'Occident et de l'Orient, que ce soit pour justifier la mission supposée civilisatrice de la conquête, pour mettre en garde contre la perte d'identité possible de l'Europe sous l'effet de l'influence en retour des peuples soumis ou pour dénoncer l'injustice et la violence dévastatrice des dominations. » Pierre Briand fait rejaillir débats et polémiques des années 1880 aux années 1950 et entendre les voix contradictoires des hommes politiques et des historiens sur les rapports migrants-colons et peuples colonisés des Grecs au XXe siècle. Comme Pierre Briand, l'historien et archéologue François-Xavier Fauvel, directeur de recherche CNRS à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, fait dialoguer texte écrit et archéologie pour reconstruire la société pastorale et nomade des Khoïkhoï qui tient la vache, richesse et monnaie rituelle, comme son ciment idéologique, tandis que le kraal qui la caractérise est à la fois enclos des bovins, campement de huttes et unité sociale et politique. les migrations et les pérégrinations des Khoïkhoï du Soudan il y a 6 ou 7 000 ans à la disparition de cette société il y a 2 siècles mettent-elles à jour une transformation sous la forme d'une percolation, demande le chercheur. Dans cette longue marche, ce qui perdurerait, c'est l'idéologie de la vache. Mais avant de découvrir les Khoïkhoï, nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour la matinée du 14 octobre 2016, consacrée à écrire l'histoire des migrations. Et tout de suite, c'est Pierre Briand, Colonisations et migrations, les Grecs et les autres au Proche-Orient hellénistique. Même dans le contexte d'une session dédiée par les organisateurs à écrire l'histoire des migrations, il est délicat d'introduire un sujet, les Grecs et les autres au Proche-Orient hellénistique, un sujet qui, à première vue, se situe loin des préoccupations et des défis d'aujourd'hui, ces préoccupations et ces défis qui ont précisément incité le Collège à mettre sur pied le colloque auquel nous participons. Dans le même temps, force est de rappeler que l'historien n'est pas une monade isolée hors du temps et de l'espace. J'emprunte l'expression au grand historien d'Antiquité que fut Édouard Ville dans un article publié en 1985 sous le titre Pour une anthropologie coloniale du monde hellénistique, fortement inspirée des analyses de Georges Balandier relatives aux rapports entre colons et indigènes dans l'Afrique contemporaine. Édouard Ville y rappelait à juste titre combien les visions historiennes des migrations grecques entre la Méditerranée et l'Asie centrale, dans les traces ouvertes par Alexandre, ont été influencées par le présent triomphant de l'Europe coloniale, et il suggérait, non moins justement, que nos recherches et nos réflexions sur le monde hellénistique doivent être menées à la lumière du dévoilement des arrière-plans et des conséquences du colonialisme moderne. Quelques années plus tôt, l'historien faisait déjà l'observation suivante, je cite, « Chaque époque lit l'histoire à sa façon. Nulle époque n'est sans doute mieux faite que la nôtre pour lire dans le bruit et la fureur l'histoire hellénistique. » Tel est le sens de mon intervention d'aujourd'hui, qui évoquera l'approche coloniale appliquée à la définition des rapports noués entre migrants colons venus du monde gréco-macédonien et populations locales soumises en conséquence des conquêtes d'Alexandre et de l'établissement des royaumes de ses successeurs. Sans m'interdire de déborder en deçà et au-delà, je prendrai essentiellement mes exemples dans la période 1880-1950, la période coloniale par excellence, traversée de débats très vifs dans les métropoles et de luttes souvent ouvertes dans les colonies, comme le montre, entre autres exemples, le livre que René Grousset publie en 1924 sous le titre « Le réveil de l'Asie », dont il définit ainsi le projet. Nous allons étudier cette évolution générale qui, partout sous nos yeux, de l'européanisation de l'Asie, fait sortir la révolte de l'Asie contre l'Europe. En 1946, puis en 1949, le même auteur, j'y reviendrai, introduira Alexandre et le monde hellénistique dans sa méditation sur la place de l'Europe dans le monde et sur la perte de son hégémonie politique et culturelle. Les exemples d'interpénétration entre le présent et le passé sont légion. L'on peut dire et montrer en particulier que l'ouvrage de Plutarque sur la fortune d'Alexandre, systématiquement paraphrasé depuis la Renaissance et bien connu des chantres de l'expansion européenne, représente l'un des textes fondateurs de l'idée de mission civilisatrice définie à défaut d'être nommée par Jules Ferry au long d'un discours prononcé devant la Chambre des députés le 28 juillet 1985. Pour s'en convaincre, il suffit de lire « Grandeur et servitude coloniale » ou Albert Sarraut, 1921, fait d'Alexandre, je cite, « l'inventeur génial de la politique indigène d'association », en tirant également des inférences indues d'une vision biaisée de l'Alexandre de l'esprit des lois. Tous ceux qui, dans ces années, s'intéressent à la prise en main du Moyen-Orient par Alexandre et ses successeurs, sont amenés à établir des rapports d'analogie avec la situation de la France et de l'Europe face au monde qu'elle conquiert. Ainsi, d'Auguste Boucher-Leclerc, qui, professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne, fut aussi en 1883, sous le titre « Histoire de l'hellénisme », le traducteur de la « Geschichte des Hellenismus » de l'historien allemand Johann Gustav Droysen, paru en 1977 à Berlin, que le considère depuis lors comme un ouvrage fondateur. Dans la leçon d'ouverture de son cours, le 6 février 1997, Boucher-Leclerc se range du côté de Jules Ferry, sans le nommer, et il proclame « Il y a même un droit de conquête que nous considérons comme légitime en soi, c'est celui que nous exerçons en ce moment même sur des peuples de civilisation inférieure et qui ne sont pas constitués en état régulier. Les peuples civilisés peuvent s'attribuer le droit de civiliser les peuples barbares comme on oblige les enfants à subir les contraintes de l'éducation. Dans ces conditions, poursuit Boucher-Leclerc, autant les conquêtes de Macédoine en Grèce entre peuples civilisés adultes sont injustifiables, autant il en est différemment de son fils Alexandre, ce grand ouvrier de l'histoire qui allait répandre pêle-mêle le sang et la semence intellectuelle et dont l'entreprise s'annonce dès le début comme une œuvre de civilisation et de progrès scientifique. On comprend aisément, à l'inverse, que le discours de Jules Ferry soit dénoncé en introduction d'une étude critique sur Alexandre qu'Alfred Duméril fait paraître en 1893, en s'opposant explicitement, je cite, « à un homme d'État de notre pays faisant bon marché de l'égalité des créatures humaines ». De même que l'auteur récuse l'idée de l'existence de races inférieures dont le devoir est de vivre dans la suggestion, de même réfute-t-il vigoureusement la thèse selon laquelle Alexandre était préoccupé d'assurer le bonheur et le perfectionnement de l'humanité. On comprend tout aussi bien que dans son Démoscène en 1926, Georges Clemenceau, qui avait marqué publiquement son opposition, ferme et rigoureusement argumenté aux déclarations de Jules Ferry en juillet 85 à la Chambre, que Clemenceau dénonce les conquérants en général qui font tuer les hommes quand le problème serait de leur apprendre à vivre, et Alexandre en particulier qui a mené, dans le désordre, des conquêtes sans fin, sans but déterminé, sans aucun profit pour quiconque. Dès le début des réflexions sur ce qu'il est convenu d'appeler la colonisation hellénistique, la pratique constante veut qu'elle soit menée au miroir du présent. J'emprunte l'expression à l'historien prussien Gustav Drogsen, qui s'exprimant depuis un pays européen, la Prusse, sans engagement colonial, soulignait que de son point de vue, la colonisation hellénistique n'a pas simplement un intérêt scientifique, elle est d'autant plus importante pour l'une des tâches les plus grandioses du temps présent. Et Drogsen, à ce point, d'évoquer le tableau des désolantes monstruosités dues au système de colonisation où se sont essayées depuis 3 siècles les nations chrétiennes de l'Europe. Depuis l'Antiquité, un aspect d'immigration, colonisation hellénistique a suscité des polémiques très actives, à savoir la nature et l'évolution des rapports noués, de gré ou de force, entre ceux que naguère on dénommait génériquement les peuples indigènes et les colons européens venus en migrants conquérants s'installer et faire souche entre Nil et Siadaria. Dans le même ouvrage, Drogsen avait donné son point de vue avec assurance en opposant à la colonisation de l'Europe moderne le système réellement grandiose dont le fondateur, Alexandre, partait de la suppression de toute différence entre vainqueurs et vaincus, du principe de l'égalisation et de la fusion effective. Les discussions ne cessèrent jamais. Tout au long de la première moitié du XXe siècle, on en vint régulièrement à chercher dans la colonisation hellénistique, des enseignements pour comprendre le présent des colonies européennes en Afrique et en Asie, et des indices pour scruter leur avenir. La question angoissée étant toujours la même, celle de l'obéissance des peuples colonisés en lien avec leur européanisation, voulue ou fantasmée, au contact des Grecs ayant émigré dans les pays du Moyen-Orient et y formant une couche dominante mais minoritaire. À défaut de la fusion rêvée par Drogsen, ou de l'assimilation prônée par d'autres, l'européanisation de l'indigène était-elle imaginable, même en miroir de ce qu'on dénommait alors couramment l'hellénisation de l'Orient, que l'on trouvait en tête d'innombrables livres et articles. Tel fut le problème le plus fréquemment abordé par les historiens du monde hellénistique, eux-mêmes plongés dans le monde impérial de leur temps et dans ses contradictions. On constate aisément que dans le détail des argumentations, dans le choix de vocabulaire, les deux mondes impériaux se superposent au point de se confondre dans une même interrogation. On regarde ce que beaucoup considèrent comme étant l'échec de l'hellénisation de l'Orient. Est-il raisonnable de croire à la survie du monde impérial de l'Europe présente, une survie qui ne peut être envisagée sans l'établissement durable de rapports harmonieux ou du moins pacifiés entre les migrants conquérants et les colonisés indigènes? C'est là une interrogation qui traverse toute la réflexion sur le sujet. Une crainte fut constamment exprimée par les historiens et par les autres. Les colons grecs installés en Orient restaient-ils grecs ou ne furent-ils pas plutôt, plus ou moins rapidement, asiatisés? Déjà présente dans les écrits du XVIIIe siècle, par exemple chez l'abbé Mably, dénonçant en 1749 la vision développée l'année précédente par Montesquieu au livre X de l'Esprit des lois, une réponse fut donnée avec beaucoup d'assurance par l'historien allemand Georg Niebuhr, dans les cours qu'il donna à l'université de Bonn en 1829-1830. Très hostile aux Asiates de son temps comme à ceux d'Antiquité, Niebuhr estime que les Grecs furent soumis à une orientalisation progressive. De son point de vue, les colonies grecques en Orient furent rapidement menacées de disparition, telles des îles au milieu d'un océan barbare. Pour reprendre un texte de l'historien romain Tite Live, qui fut si souvent cité hors contexte dans ce cadre, je cite, « Les Macédoniens qui habitent Alexandrie d'Égypte, Séleucie ou Babylone, et les colonies éparses à travers le monde ont dégénéré en Syriens, en Parthes, en Égyptiens. » Déjà utilisé par l'historien écossais John Gillis en 1786, l'image de la dégénérescence allait faire des ravages chez les analystes de la situation coloniale du présent, vue à la lumière du passé hellénistique. Qui plus est, pour Niebuhr, très critique vis-à-vis de la politique du conquérant macédonien, l'orientalisation menaça les métropoles, car, je le cite à nouveau, l'intention d'Alexandre n'était pas d'helléniser l'Asie, mais de persianiser la Grèce. Quelques années plus tard, en 1856, l'historien britannique George Grote reprit la même image ainsi exprimée. Au lieu d'helléniser l'Asie, Alexandre tendit à asiatiser la Macédoine et l'Hellade. Dans ces mêmes années, le comte de Gobineau, dans l'essai sur l'inégalité des races humaines en 1853-55, puis dans son Histoire des Perses en 1869, développe la thèse raciale selon laquelle, je cite, le sang sémitique engloutissait tout, Marathon et Salamine s'effaçaient sous les vénéneux triomphes d'Arbel et d'Issos. Si bien qu'après Alexandre, je cite toujours Gobineau, les usages et les idées asiatiques s'étendirent jusqu'aux pays illyriens, la politique fut syrienne dans les pays de Thémistocle et de Pausanias. On le voit. Au-delà du phénomène de la conquête coloniale, ce qui était en débat, c'était la possibilité de contact et d'échanges fructueux entre deux entités dénommées génériquement Orient et Occident, thème d'innombrables livres et articles. Les issues possibles de la discussion étaient limitées à une alternative. Ou bien l'Occident, ici la Grèce, l'emporte, on parle alors d'hellénisation ou d'européanisation, ou bien l'Occident est victime d'une dégénérescence causée par l'Orient, ici la Syrie, la Babylonie, on parle alors d'orientalisation ou d'asiatisation. Seul Droxen avait réellement milité en faveur de l'image d'une fusion entre Orient et Occident, une fusion qui, selon lui, s'accomplit pleinement dans la naissance du christianisme. Malgré le renom et le prestige de son œuvre, et malgré une admiration quasi générale pour Alexandre l'Européen, les thèses droxeniennes, sans disparaître, cédèrent du terrain devant la thèse de l'asiatisation-orientalisation défendue par Niebuhr, par Grote et par tant d'autres. Le même débat parcourt la littérature spécialisée dans la première moitié du XXe siècle, dans une période où il fut nourri également par les résultats des premières fouilles menées sur le site de colonies grecques au Proche-Orient. On pense plus particulièrement à Doura Europos sur l'Euphrate, dans l'actuelle Syrie. En 1926, l'archéologue belge Frans Cumont publia le résultat des fouilles qu'il avait conduites en 1922-23. Le livre est dédié aux officiers, sous-officiers et soldats du Levant dont le concours a assuré l'exploration archéologique. Partant de l'abondante documentation épigraphique et iconographique déjà recueillie sur le site, Cumont veut mettre en évidence les raisons de ce qu'il dénomme une décomposition intérieure. À cette fin, il avance l'idée d'un afflux constant de sang indigène qui métissait de plus en plus les vieilles familles macédoniennes. En reprenant, sans le dire, une expression inventée par Niebuhr presque un siècle auparavant, il estime que les colonies macédoniennes étaient des îlots européens perdus dans l'océan Asiatique et qu'elles ont cherché à se prémunir contre le danger d'être submergées par le flux des halogènes qui les entouraient. Tel est exprimé le fantasme colonial. La crainte de la submersion, ce pourquoi Niebuhr avait jugé sévèrement Alexandre. Au lieu de laisser les Orientaux à l'écart de l'armée, dans une position de subordination par rapport aux populations helléniques, et donc de conserver aux Gréco-Macédoniens seuls les privilèges de nations dominantes, Alexandre, selon Niebuhr, avait fait appel aux Perses et aux Iraniens dans l'armée, y compris en position de commandement. Pure folie, estimait Niebuhr, qui opposait une telle politique à celle des Britanniques en Inde, qui, eux, avait certes fait appel aux indigènes sous forme de cipayes, mais sans jamais appeler un Indien à un poste de commande. Observé en miroir, les colonisations linguistiques européennes continuèrent de susciter remarques et suggestions ancrées dans le présent. C'est la même question que se pose l'historien Elias Bikerman, 1944, au cours d'un article publié dans la revue Renaissance sous le titre « L'européanisation de l'Orient classique ». Sous forme de review article, il commentait très favorablement une somme que l'historien d'origine russe Mikhail Rostozev avait publiée à Oxford en 1941 sur l'histoire économique et sociale du monde hellénistique. Rostozev, qui, après 1928, avait repris les fouilles engagées par Cumon, venait également de publier dans la même revue Renaissance un article intitulé « L'Orient et la civilisation grecque, Doura Europa sur l'Euphrate », en reprenant la métaphore maritime traditionnelle, cétéo macédonien dans un océan sémitique, mais sous une forme plus ouverte sur les échanges. Il précise en effet que cette cité grecque s'orientalisa, mais dans le même temps que la bourgeoisie sémitique s'hellénisa. L'article de Bikerman aborde le même sujet, mais en lien discursif plus immédiat avec l'actualité de 1944. Né à Kitchinev en Ukraine en 1897, Bikerman en effet n'a cessé d'aller d'exil en exil à la suite de celui qui avait été son professeur à Saint-Pétersbourg, à savoir Mikhail Rostozev. Celui-ci avait gagné l'Europe occidentale après 1917, puis avait obtenu des positions académiques aux États-Unis, à Madison, puis à Yale. Bikerman, quant à lui, quitta l'URSS en 1921 et s'installa à Berlin avant, en 1933, de devoir gagner la France, où il obtint un poste de chargé de cours à l'école pratique des hautes études et où il publia en 1938 un volume qui reste une référence sur le royaume séleucide. En 1942, les lois anti-juives de Vichy le contraignirent à nouveau à l'exil vers les États-Unis. À son arrivée à New York, à la fin de 1942, c'est à la New School for Social Research que l'exilé Bikerman fut rattaché, rejoignant ainsi, outre-Atlantique, tant d'autres hommes et femmes de sciences et de culture chassés d'Allemagne et de France. À sa retraite de Columbia, Bikerman gagna Jérusalem, où il mourut en 1980, dernière étape d'une vie d'exil entre Kitchinev, Saint-Pétersbourg, Berlin, Paris, New York, Los Angeles, puis à nouveau New York et enfin Jérusalem. L'article que j'ai évoqué fut publié dans les tomes 3 et 4 de Renaissance, paru en un seul volume en 1944-45. Ce fut le dernier d'une série éphémère. Dès les premiers mots de l'introduction, Bikerman situait clairement son propos sur le passé hellénistique dans le présent le plus contemporain. Je cite. « Deux fois dans le cours du temps, la civilisation européenne déborda l'Occident et couvrit l'Orient immobile. De nos jours, et à la suite de la conquête d'Alexandre le Grand, voilà pourquoi l'époque hellénistique, les trois siècles qui s'écoulaient entre Alexandre et l'Empire romain, attire aujourd'hui l'attention particulière des historiens et mérite celle du public cultivé qui dépasse le cercle étroit des érudits. » La première phrase donnait le ton sur la vision que Bikerman a nourrie toute sa vie sur les rapports de subordination établis, à juste titre de son point de vue, entre l'Europe et le reste du monde, entre Antiquité et époque contemporaine. D'Alexandre à la colonisation des 19e et 20e siècles, la continuité est marquée entre la première et la seconde aventure coloniale qui, l'une et l'autre, apportèrent le progrès à l'Asie immobile. En cela, Bikerman était l'héritier d'un postulat né dans l'historiographie allemande de la seconde partie du 18e siècle, qui voyait en Alexandre un précédent éclatant, puisque, pour reprendre l'expression de plusieurs historiens allemands de cette période, pour la première fois, l'Europe a alors conquis la domination mondiale et l'a rejeté l'Asie dans une position de subordination, un statut d'esclave, disait Niebuhr. Partant, Bikerman veut tirer de la colonisation hellénistique des leçons pour le présent. En opposition de fait avec la vision développée par Niebuhr et par Groth, mais non sans contradiction, il estime que la colonisation hellénistique a conduit à la formation d'une nouvelle Grèce dans l'Orient. Les colons ne sont plus des Européens d'Europe, mais des Européens d'Asie, nés et élevés sur le sol oriental, qui hellénisent l'Asie. Le contraste est violent, ajoute-t-il, avec le monde colonial contemporain. Je le cite. Comparez les effets de l'européanisation moderne de l'Orient. Nous sommes détestés de Casablanca à Canton. Les Orientaux ne songent qu'à se débarrasser de notre civilisation, nous ayant emprunté la technique et l'art de la guerre. D'où la réflexion qui suit en contraste. Comment expliquer cette attraction de l'hellénisme, cette persistance de l'européanisation dans l'Orient antique où même Bouddha s'hellénise ? S'interroge l'auteur qui cherche à tirer une leçon positive de ces rapprochements multiples entre passé et présent. après avoir affirmé que, selon lui, lorsque la barbarie commença à submerger la civilisation antique, ce sont les orientaux qui se trouvent parmi les défenseurs les plus ardents de l'hellénisme, Bickerman émet une hypothèse, quelque peu hardie, mais une hypothèse qui, dans le désespoir de l'exil, maintient une lumière même vacillante, celle d'une victoire à venir sur la barbarie d'aujourd'hui. Pouvons-nous espérer que si les barbares sortis des universités germaniques réussissent une fois à détruire notre civilisation, les idéaux humanitaires seront défendus par un anémite et qu'à Tombouctou, on conservera le souvenir de Racine? Je ne sais. Mais je ne puis oublier que le premier gouverneur colonial qui se rallia à De Gaulle était un Français noir. Assez peu lucide sur la réalité du temps, la vision coloniale de Bickerman allait se trouver bientôt contredite par l'évolution des rapports entre métropole et colonie après 1945. À l'heure où la Deuxième Guerre mondiale se termine par l'ascension d'une grande puissance asiatique de 400 millions d'hommes, sans doute y a-t-il intérêt à rappeler brièvement l'histoire des rapports politiques entre l'Europe et l'Asie. Ainsi s'exprime René Grousset dans « Bilan d'histoire » qu'il publie en 1946, où il évoque à nouveau l'évolution jugée par lui catastrophique de la situation des colons grecs au Proche-Orient. « L'esprit grec a pris à devenir servile », écrit-il. 3 ans plus tard, en 1949, il revint inlassablement sur les mêmes questions dans « Figure de proue », où il consacre un chapitre à Alexandre et le tournant de la civilisation antique. Non seulement Alexandre n'a pas hellénisé l'Orient, mais les Grecs émigrés en Égypte, en Syrie, en Babylonie, sont devenus les sujets de plus en plus serviles des pharaons lagides ou d'un potentat syrien. Et Grousset, à ce point, d'émet une conclusion qui, selon lui, est adaptée tout aussi bien au passé qu'au présent. Tôt ou tard, le pays colonisé, après avoir largement bénéficié de l'apport des colonisateurs, se retrouve lui-même avec son âme inchangée. Une vision tout aussi pessimiste, faite de beaucoup de frustration, est proposée en 1949-50 par un spécialiste d'histoire d'Antiquité, Marcel Launay, dans ses recherches sur les armées hellénistiques, un livre dont l'auteur avait remis un manuscrit à l'éditeur en 1946 et qu'il avait élaboré dans les 10 années précédentes. Sa vision est exprimée avec des mots et des expressions teintées d'un tranquille racisme colonial ordinaire, dont l'auteur n'est pas seul alors à postuler l'évidence, dans le sillage des thèses présentées par Léopold de Saussure, Gustave Le Bon, Jules Armand et quelques autres. La conclusion de Launay s'ouvre sur une analogie que l'auteur propose entre ce qu'il appelle le suicide du monde hellénistique et l'Europe qui, depuis une génération, semble en train de se suicider sous nos yeux. L'auteur souligne ce qu'il croit distinguer comme étant la disparition des Européens de la documentation hellénistique qui se propose d'expliquer sous la forme d'une alternative dont chacun des termes incite au pessimisme qu'il a construit. Je cite. Où les Européens ne sont pas doués pour proliférer sous des climats trop chauds, où les unions inévitables avec les orientales diluent ou effacent peu à peu les qualités propres de la race et de la culture et jusqu'à la conscience ethnique. On assiste, commente Launay, à un recul général de l'activité et à un alanguissement des individus et de la race, ce que France Cumont en 1926 dénommait l'altération de la race dominante. C'est la revanche de l'Orient vaincu, estime enfin Launay dans une formule qui rassemble tout, y compris une condamnation portée contre les multiples métissages auxquels furent contraints les Européens. Il est vrai, pour reprendre les mots de notre historien, que les Européens d'Asie sont atteints d'un mal physiologique, car ils sont fixés sous un ciel plus chaud, d'un type à demi colonial déjà. Tout est dit. Je conclue. Aucun historien des rapports interculturels dans le monde hellénistique ne songerait aujourd'hui à reprendre, même en partie, les explications avancées de manière contradictoire par Bickerman ou par Launay, encore moins celles avancées par Sacher Mayer dans son ouvrage de 1944. Les raisons en sont limpides. Non seulement les découvertes archéologiques et les publications épigraphiques ont induit des avancées documentaires décisives, mais également, et d'abord, les bouleversements créés par la Seconde Guerre mondiale, la mise en évidence des massacres de masse perpétrés au nom de théories racistes, la décolonisation et l'émergence de ce qu'on allait bientôt nommer le tiers-monde ont totalement modifié le regard porté sur Alexandre et sur la conquête macédonienne. Au demeurant, dès 1952, dans un compte-rendu détaillé, le grand historien d'Antiquité que fut André Aymard contesta très fermement les postulats de Launay et les interprétations subséquentes jugées par lui pour le moins discutables. Néanmoins, bien que centré sur une période révolue, mon intervention ne relève pas simplement d'une archéologie coloniale des constructions interprétatives, avec lesquelles notre temps n'entretiendrait plus aucun rapport de connivence. Lorsqu'on relit, comme je viens de le faire devant vous, certaines des analyses historiennes d'avant 1950 portant sur la colonisation hellénistique et sur les rapports entre colons et colonisés, on ne peut s'empêcher d'observer que les mots et les images alors utilisées ne nous sont pas étrangers. Ce qu'expriment fondamentalement des expressions comme la marée indigène ou les îlots européens perdus dans l'océan asiatique et menacés de submersion, c'est ce que j'appellerais volontiers la grande peur du métissage et le refus de cohabiter avec l'autre, plus encore de se mélanger avec lui, car le risque de la dégénérescence culturelle, voire ethnique, serait là. Il n'est pas difficile d'observer, hélas, que les 10 expressions restent des éléments constitutifs du vocabulaire de celles et de ceux qui, aujourd'hui, voudraient nous dresser les uns contre les autres. Merci. Vous venez d'écouter l'historien Pierre Briand, Colonisation et Migration, les Grecs et les autres au Proche-Orient hellénistique. Et tout de suite, nous retrouvons l'archéologue historien François-Xavier Fauvel, La quête du Kraal, Pérégrinations et métamorphoses du peuple de la vache. C'est un essai d'histoire que je me livrerai dans cette présentation, mobilisant, comme le fait l'historien de l'Afrique qui a commué cette contrainte en défi intellectuel, toutes les ressources d'un régime documentaire hétérogène et discontinu. La fenêtre d'observation est étroite entre la première rencontre avec les Khoïkhoï, puisque tel est le nom que se donnent les Hottentots, et leur quasi-disparition un peu plus de 2 siècles plus tard, dont quelques décennies seulement de contact étroit et fatal entre eux et les habitants européens de la colonie néerlandaise établie à l'extrémité sud de l'Afrique dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les Khoïkhoï possèdent quelques bizarreries culturelles, il faut en convenir. Ils parlent une langue avec des sons aspirés, des clics, dont j'ai édité quelques échantillons anciens trouvés dans un lexique néerlandais Khoïkhoï du XVIIIe siècle. Ils s'enduisent le corps de graisse de mouton. Ils excisent un testicule des garçons à l'adolescence et ils font des pansements de bouse de vache. Parlons de leurs vaches, justement, car ce n'est pas la moindre de leurs originalités, quoiqu'elle soit restée essentiellement inaperçue ou dévaluée. Les Khoïkhoï sont un de ces peuples de la vache, comme il en existe quelques autres en Afrique, à l'instar des Peuls Bororo, des Nuers du Soudan ou des Maasai du Kenya. En termes économiques, ils sont éleveurs, ce qui les distingue des chasseurs-cueilleurs qui partagent avec eux le territoire de la colonie, et des fermiers ou agropasteurs qui sont établis dans la moitié est de l'Afrique du Sud et, plus généralement, dans l'essentiel des terres fertiles de l'Afrique subsaharienne. Encore faut-il prendre avec précaution cette désignation d'éleveurs, commode dans notre taxinomie culturaliste, mais qui est trompeuse. Car à vrai dire, à examiner de plus près leurs préoccupations quotidiennes, les Khoïkhoï chassent. Ils chassent l'éléphant. Ils collectent des fruits et des tubercules. Subsistent en large partie grâce aux produits d'une activité de prélèvement aux dépens de l'environnement. Le pastoralisme qui les caractérise n'est en somme pas tant un fait objectivable de la société qu'une idéologie qui, comme toutes les idéologies, s'applique mieux à ceux qui l'énoncent, je veux dire les hommes, propriétaires des vaches, qu'à ceux qui triment toute la journée, je veux dire les femmes et les clients de toutes sortes amalgamés à la société. Considérée comme le ciment idéologique de cette société, la vache est à la fois la principale richesse des possédants et la monnaie rituelle de toutes les transactions. Elle intervient en règlement des arrangements matrimoniaux, des compensations judiciaires. Elle est le butin des razzias et le prix des négociations territoriales. Elle est le sacrifice offert aux déités pour une naissance, un passage à l'âge d'homme, une guérison. Elle est la donation faite à un mort pour prévenir ou contenir sa malveillance. Qui dit vache dit pâturage, car l'animal est plus exigeant que la chèvre ou le mouton qui l'accompagne, lesquels se contenteraient volontiers de brouter les épineux. Dès lors, les Khoïkhoï sont mobiles. Ils conduisent quotidiennement les vaches aux herbages, transhument saisonnièrement aux estives, et si survient une contrainte inhabituelle, ils abandonnent leur territoire et migrent. Selon le jour où aura lieu l'enquête, on les dira donc sédentaires, semi-nomades ou franchement nomades. Les vaches ont une bosse, les moutons ont la queue grasse, les chèvres sont normales, et tous ces animaux meuglent, bêlent et béguettent, comme ceux du Portugal. L'honnête homme des Lumières, qui éprouvait davantage que nous l'émotion de la rencontre avec la diversité humaine, en savait beaucoup plus que nous sur les koi-koi. Ce qu'il savait, il l'avait lu dans l'encyclopédie, qu'il l'avait emprunté à l'histoire générale des voyages de l'abbé Prévost, qui lui-même l'avait lu en français dans ce best-seller du genre que fut au XVIIIe siècle la description du Cap de Bonne-Espérance de Peter Kolb. L'honnête homme savait qu'un kraal, terme néerlandais emprunté au portugais, désigne chez les koi-koi à la fois un enclos pour les vaches, une unité spatiale d'habitation formée par un cercle de huttes entourant l'espace dévolu aux vaches, et enfin une unité d'organisation sociale et politique correspondant sans doute au lignage, sous l'autorité d'un chef appelé Captain, également d'après le néerlandais. Tout ce que je vous raconte des koi-koi tient à peu de choses. Quelques dizaines de récits d'escales plus ou moins laconiques, quelques témoignages personnels de colons ou de résidents groupés autour d'un château, quelques liasses d'archives. Sans cela, nous ne saurions rien des koi-koi, nous ne saurions même pas qu'ils ont existé. L'univers social koi-koi nous serait en somme resté inconnu s'il n'y avait eu l'habitude commode de toutes les compagnies marchandes d'Europe de faire halte à la pointe méridionale de l'Afrique, puis l'initiative prise par l'une d'elles d'y établir une station de ravitaillement et des colons. Si j'insiste sur le miracle documentaire de la colonie du Cap, qui n'a pas d'équivalent à des milliers de kilomètres à la ronde, c'est parce que l'archéologie ne nous parle pas de peuple de la vache. Ma quête du Kraal est donc cela, une enquête qui permettra de réconcilier les discordances entre l'écrit et les traces matérielles. On doit donc, certes, commencer par se demander si l'on a bien lu ce que l'on a lu et émettre l'hypothèse raisonnable, en tout cas réconciliatrice, que les koi-koi ne seraient peut-être que des chasseurs-cueilleurs ayant eu le bonheur de rencontrer des chèvres, des moutons et des vaches. Se demander en somme si on ne peut pas devenir éleveur en ayant commencé par être chasseur-cueilleur. C'est ce que suggère du reste l'apparentement linguistique des koi-koi, locuteurs d'une langue qui appartient à la famille linguistique Khoisan, anciennement présente dans toute l'Afrique australe, sans doute même au-delà, et qui a longtemps dû être parlée exclusivement par des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des bushmen ou san. C'est ce que suggèrent également les données archéozoologiques relatives aux assemblages phoniques des sociétés d'Afrique australe. Elles mettent en évidence, aux alentours de 2000 avant le présent, un épisode diffus d'introduction d'animaux domestiques exogènes au sein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, épisode dans lequel on parvient à grand-peine à individualiser un rythme, une différenciation spatiale et des modalités précises. C'est ce que suggère enfin un comparatisme de bon aloi avec les sociétés mésolithiques de l'Europe, c'est-à-dire celles des derniers chasseurs-cueilleurs du tardiglaciaire, que l'on a pris l'habitude de considérer comme les acteurs d'un processus de néolithisation, plutôt que comme les spectateurs passifs de migration de populations néolithiques. La comparaison est d'autant plus pertinente que dans le cas de la transition néolithique en Eurasie, nous n'avons que l'archéologie pour en parler, ce qui valide en retour des scénarios accordant la primauté de la narration aux documents matériels. L'affaire serait donc entendue, et c'est du reste la doctrine dominante parmi les archéologues spécialistes du peuplement de l'Afrique australe. Cette doctrine consiste en un scénario et un démenti. Le scénario dit « Au commencement étaient des chasseurs-cueilleurs Khoisan qui reçurent l'usage alimentaire d'animaux domestiques venus de l'extérieur, plus ou moins en même temps que des notions techniques permettant de produire une vaisselle rudimentaire en céramique. » L'un de ces groupes, pour des raisons diverses et d'ailleurs jamais vraiment explicitées, se fit éleveur et entama alors un faisceau de migration locale qui le conduisirent dans des régions où ils furent rencontrés au XVIIe siècle. Le démenti affirme quant à lui, les koi-koi ne sont des éleveurs que classificatoires, qui auraient en somme convergé vers une économie d'élevage, mais rien ne les distingue fondamentalement de leurs voisins chasseurs-cueilleurs. Quoique dominante, la doctrine diffusionniste ne s'est pas fait que des adeptes, et certains auteurs ont continué soit d'expliquer l'introduction des animaux domestiques il y a 2000 ans, soit de rendre compte de l'intensification de l'élevage 1000 ans plus tard par l'arrivée de groupes d'éleveurs qui pourraient être ou pas les ancêtres des koi-koi. Ce recours à un deus ex machina migratoire est à mon avis une concession nécessaire, mais tout à fait insuffisante tant qu'elle consiste à rendre compte de l'arrivée de vaches, et non d'une idéologie pouvant expliquer ce que les sociétés font de leurs vaches. J'ai opposé pour ma part un contre-pied radical avec ce que j'ai appelé le paradigme Khoisan, consistant à décrire et évaluer la culture Khoikhoi à l'aune de son environnement chasseur-cueilleur et de son apparence indiscutablement Khoisan sur les plans physiques et linguistiques, par exemple. En revisitant et en revalorisant les enseignements permis par les sources écrites du XVIIe siècle, j'affirme au contraire que les Khoikhoi ont une histoire commune avec d'autres peuples de la vache présents en Afrique orientale. Mais avant d'y revenir, permettez-moi de continuer à baliser le parcours de cette enquête en revenant, une fois n'est pas coutume, au kraal. Mon hypothèse repose elle aussi sur un scénario et un démenti qui inverse la relation hiérarchique entre le registre écrit et le registre matériel des sources, tout en trouvant une autre façon de les rendre compatibles l'un avec l'autre. Le scénario dit « Les Khoikhoi ne sont pas des chasseurs-cueilleurs équipés de vaches, ils sont des éleveurs équipés d'une idéologie pastorale. » Ils sont des éleveurs équipés d'une idéologie pastorale. Et c'est cette idéologie pastorale dont ne rendra compte à lui seul aucun inventaire mobilier que j'explique parcimonieusement en lui supposant une origine en Afrique orientale où nous savons qu'elle est présente. Le démenti affirme « Nous ne retrouverons pas les Khoikhoi dans les enregistrements archéologiques car notre peuple de la vache a des caractéristiques qui le rendent à peu près invisible. » Je veux bien convenir avec vous que, avant même de l'avoir pleinement développé, mon argumentaire présente un grand avantage, celui de faire de l'absence de données un élément en sa faveur. Je dois donc le justifier. Il y a, à mon avis, trois raisons pour plaider en faveur de l'invisibilité archéologique des éleveurs strictement pastoraux. La première est économique. Les éleveurs ne laissent pas les traces techniques, agronomiques et botaniques que laissent les fermiers dans le paysage, et ils ne laissent pas de vestiges alimentaires différents des chasseurs-cueilleurs possédant ou ayant radié du bétail. La seconde raison a trait aux formes de la mobilité. Quoique mobiles, les chasseurs-cueilleurs sont en général tout à fait territoriaux, occupant de façon récurrente les mêmes points d'eau et les mêmes abris sous roche, ces derniers constituant, on le sait bien, de formidables gisements archéologiques. À l'inverse, les campements de plein air des éleveurs, non pérennes et de faible emprise, sont a priori peu susceptibles de laisser des enregistrements significatifs, encore moins de constituer avec le temps des conservatoires de vestiges. Enfin, l'importance de la vache dans les sociétés pastorales, qui en limite l'abattage à des contextes rituels, ne se reflète pas dans les spectres phoniques de ces sociétés, bien au contraire. On peut même dire qu'une vache qui passerait dans le paysage aurait davantage de chances de finir parmi les restes de repas d'un groupe de chasseurs-cueilleurs qu'associée à la vaisselle abandonnée d'un kraal de pasteurs nomades. Pour autant, bien sûr, un os de vache renié dans un abri sous roche n'indique pas formellement la présence d'un troupeau dans la plaine. Alors, pour sortir de la circularité de l'argumentation, prenons, si vous le voulez bien, le taureau par les cornes. Cherchons le kraal. Cherchons cet espace qui centralise et organise la vie pastorale des Khoikhoi. Cherchons-le là et quand nous savons qu'il y en eut, dans la région du Cap de Bonne-Espérance, à l'époque de la colonie néerlandaise. C'est l'objet d'une enquête de terrain que j'ai lancée il y a une dizaine d'années en compagnie de collègues de Toulouse, de Mayence et de Johannesburg. Armés de cartes et de récits anciens dans une main, de notre connaissance des répertoires matériels dans l'autre, nous sommes partis faire ce que font tous ceux qui pratiquent l'archéologie historique, vérifier que nous saurions reconnaître sur le terrain ce que les sources écrites nous disaient s'y trouver. Nous découvrîmes deux sites de kraal probables en quelques années. Ne vous attendez pas à du spectaculaire. Un site de kraal, c'est un champ ou une terrasse en bord de rivière où vous collectez quelques coquillages et quelques tessons répartis sur des centaines, parfois des milliers de mètres carrés. Sur le premier de ces kraals, des animaux domestiques avaient à coup sûr été parqués, attestés par la présence de bouses vitrifiées par autocombustion. Les datations livrent une fourchette du XIVe à l'actuel, mais c'est un fragment de Bartmann, une jarre de fabrication allemande comparable avec le mobilier colonial, qui fournit le contexte, celui de la colonie de la première moitié du XVIIe siècle. Sur le second kraal, situé dans une anse de rivière comme des dizaines d'autres anses de rivière, où la carte nous invitait à chercher le kraal de certains groupes Khoikhoi historiquement connus, nous collectâmes quelques artefacts lithiques et céramiques compatibles avec la signature archéologique Khoikhoi. Cette fois, c'est un fragment de pipe en argile hollandaise qui nous livra le contexte et la chronologie. Ces succès, bien modestes sur l'échelle du monumental à laquelle se mesurent parfois les archéologues, sont des victoires sur l'invisibilité. Victoire à la Pyrrhus, cependant, car ces simples traces que sont le tesson de jarre et le fragment de pipe authentifient le succès tout autant qu'ils découragent de prolonger l'enquête pour les phases antérieures à la colonisation. En somme, comme avec un visage depuis longtemps oublié, je sais identifier un crâne si j'ai l'assurance qu'il est devant moi, mais je ne sais pas le reconnaître dans un paysage non trié. Nous nous sommes beaucoup déplacés depuis le début de cette quête, mais nous avons peu avancé. Il est temps de renouer avec une narration moins minimaliste. Dans ma critique du paradigme Khoisan, j'ai proposé d'ouvrir une voie comparative pour aborder le problème Khoikhoi. J'avais observé chez ces gens, je veux dire dans les sources écrites se rapportant à eux, deux pratiques qui me paraissaient caractéristiques de populations pastorales. D'une part, celle communément appelée soufflette, consistant à souffler dans l'utérus d'une vache pour provoquer le réflexe de lactation qui se trouve inhibé lorsque celle-ci, par exemple, a perdu son veau. D'autre part, le dressage de certains taureaux pour la protection du troupeau, la chasse et le combat contre l'ennemi. Pratique célèbre chez les Khoikhoi parce qu'elle avait été employée en mars 1510 contre un détachement de l'armada portugaise, causant la mort de quelques dizaines d'aristocrates lusitaniens, dont le vice-roi des Indes, Francesco de Almeida. Ces deux pratiques me paraissent illustrer le genre de savoir-faire pastoraux qui ne s'invente pas et qui, de ce fait, ont davantage de chances d'appartenir au complexe technique de sociétés d'éleveurs authentiques qu'à celui de chasseurs-cueilleurs devenus éleveurs. Une enquête dans la littérature ethnographique et auprès de dizaines de collègues anthropologues me permit de dresser une carte de répartition de ces pratiques en Afrique. Elle dessine un arc qui épouse peu ou prou les régions actuelles de steppe, parcourues préférentiellement par les sociétés de pasteurs, laissant de côté les vastes régions d'Afrique où la vache est néanmoins présente, mais intégrée dans des complexes économiques de fermiers. En suggérant un apparentement culturel entre les Khoikhoi et plusieurs sociétés d'Afrique orientale, je réhabilitais l'hypothèse migratoire, incapable cependant d'en proposer un scénario même approximatif. Pour ébaucher le parcours de l'avancée du pastoralisme en direction du Sud, il aurait fallu savoir identifier un kraal archéologique, il aurait fallu en avoir identifié et daté des dizaines et des dizaines dans le paysage de l'Afrique de l'Est. On en revenait donc au même point. Avec le temps, je me rends compte que la principale fragilité de mon modèle n'est pas d'avoir été audacieux, mais d'avoir été timoré. Les deux ou trois choses que j'ai apprises de mon ethnographie à distance des Khoikhoi me permettent aujourd'hui de reconstituer, à partir d'eux, un système pastoral africain qui est bien autre chose qu'un mode de production, mais aussi bien davantage qu'un répertoire de savoir-faire. Appelons-le « civilisation de la vache », pour rendre hommage à André Leroy-Gourhan et à sa « Civilisation du Rennes », son fameux ouvrage de 1936. Cette civilisation de la vache transcende l'éloignement et les différences culturelles. Elle repose sur une idéologie pastorale qu'il me faut caractériser un peu mieux que tout à l'heure. C'est un métadiscours qui nappe toutes les dimensions des sociétés pastorales, même quand leur mode de subsistance, les gestes quotidiens et les rapports sociaux genrés laissent transpirer le contraire. Les gens de la vache sont des égaux, des guerriers, des hommes libres, qui affichent leur mépris du travail et chassent pour se divertir, en aucun cas pour subvenir à leurs besoins. C'est en tout cas ce qu'ils diront à l'ethnologue. C'est en tout cas dans le miroir de l'ethnologie que se fabrique cet éthos viril et rustique. Mais la civilisation de la vache, c'est en cela qu'elle est une civilisation de la vache, et pas seulement une civilisation avec des vaches, suppose également des interactions entre l'homme et l'animal, à commencer par ces interventions comportementales que sont la soufflette et le dressage d'animaux de guerre, ou encore les interventions mécaniques, telles que les modifications des encornures, la réalisation de pendeloques anatomiques dans le fanon de l'animal, ou encore le marquage de la robe par la peinture ou les scarifications. Ces interactions participent également de la reproduction sociale. Elles instituent en effet, durant la vie de l'homme et de l'animal, une relation dialectique et performative entre l'individuation du jeune homme et la singularisation de son animal favori, un phénomène bien étudié récemment par Jérôme Dubosson au sujet des Mursis d'Éthiopie. En somme, ce système de récits, d'activités, de gestes et de relations commande une co-adaptation de la société et du cheptel. Une co-adaptation qui commande en retour, entretient et récompense à la fois les vertus les plus pastorales de la société et les velléités les plus domestiques de l'animal. Cette civilisation de la vache constitue pour moi un faciès culturel indiscutablement néolithique, susceptible en tant que tel de s'accompagner d'un paquet mobilier et technique reconnaissable. Comme en linguistique comparée, on est fondé à rechercher l'origine de cette innovation par une approche à la fois génétique et reconstructive, et la confiance qu'on est tenté d'accorder au système formé par ce faciès culturel invite à l'identifier dans des traces matérielles considérées comme des indices, qu'il s'agisse de la présence du bœuf domestique, de la céramique ou encore d'un mobilier en pierre polie dans les assemblages archéologiques. Les traces d'un pastoralisme exclusif en Afrique orientale, entre la Tanzanie et le Zimbabwe, où qu'il faille d'ailleurs le chercher précisément, sont invisibles pour la période qui nous intéresse, celle qui couvre le premier millénaire avant notre ère et le premier millénaire après. La raison en est que le signal éventuel laissé par les pasteurs de vaches est insignifiant dans un bruit de fond causé par la mise en place généralisée d'une économie de production agricole et agropastorale très diversifiée, et par les phénomènes de diffusion technique rapide liés à la métallurgie et de migration liées aux migrations bantoues dont nous a parlé Luis Quintana Murci. Il faut donc dépasser cette strate historique pour avoir quelque chance de retrouver le signal. De fait, on le retrouve plus haut dans le temps et plus haut en Afrique, en l'occurrence dans la région de steppe située entre les deux branches du Rift au Kenya et dans le nord de la Tanzanie, au deuxième millénaire avant notre ère. Là, une culture généralement appelée néolithique pastorale s'applique à des populations pleinement visibles entre moins 2000 et moins 500. Il s'agit d'éleveurs non cultivateurs qui possèdent l'assemblage vache-mouton-chèvre. Ils produisent également une poterie reconnaissable, l'underitware, un outillage microlithique et un mobilier de bols et de plats en pierre polie trouvés généralement dans des tombes. La chronologie, quant à elle, alliée au caractère exogène des animaux domestiques dans le Rift, invite à chercher au Soudan l'origine de ce faciès néolithique d'éleveurs connaissant la poterie et la pierre polie. Le Soudan du Sud est un espace mal documenté par la recherche. Néanmoins, passé cette strate, on rencontre au Soudan central et en Nubie, dans les cultures appelées respectivement néolithique pastorale et groupe C, qui appartiennent à la fin du troisième millénaire avant notre ère, des formes très accentuées d'investissement dans la vache et dans l'élevage. Les technologies lithiques et céramiques de ces cultures, de même que l'habitude de la production alimentaire, sont des continuations d'un néolithique de Khartoum ou de Nubie, exceptionnel au plan des productions mobilières. Mais il ne faut peut-être pas remonter trop haut. Car à vrai dire, cette reconstruction du pastoralisme à travers l'Afrique est peut-être plus exacte dans la séquence des horizons qu'elle développe que dans n'importe quel scénario chronologique qu'on serait enclin à élaborer à partir d'elle. Peut-être est-ce en effet la principale vertu de la démarche reconstructive que de nous émanciper de la filiation au profit de la scansion d'un temps rythmé par les innovations. Car dès lors que le néolithique du Soudan, formé à partir du 6e millénaire et solidement en place au 5e, est un vrai néolithique, je veux dire un néolithique conforme à l'idée canonique de population de fermiers sédentaires organisés en sociétés hiérarchisées, il faut rendre compte de l'apparition du pastoralisme exclusif, non seulement comme une spécialité de ce néolithique, mais comme une divergence, je dirais presque un clinamen économique. Le pastoralisme suppose en effet non seulement un investissement dans la vache, mais aussi, et peut-être tout autant, un renoncement aux autres modes de subsistance. La nature des données ne nous permet pas complètement de repérer l'horizon stratigraphique où s'effectue ce choix de société. Sans doute quelque part du côté de la Nubie, à l'interface avec l'Égypte. Certes, quelques-unes de ces manifestations sont éminemment repérables dans l'art et dans les dépôts funéraires du Sahara au nord-est africain. C'est cependant dans la culture de Kerma, dans la moyenne Nubie du troisième millénaire avant notre ère, avec ses dépôts de centaines de bucranes associés à des sépultures, que s'exprime le plus spectaculairement une conception anthropomorphe de la vache, et que s'esquisse un rôle social peut-être équivalent à celui qu'elle joue désormais dans les transactions funéraires. Mais si là se fait jour l'investissement dans la vache, rien n'illustre encore le renoncement dont nous parlions à l'instant. Bien au contraire, la société de Kerma est puissamment stratifiée, agricultrice et sédentaire. Alors peut-être faut-il s'éloigner des berges du Nil et s'éloigner de Kerma pour suivre ceux qui, aiguillonnant leurs vaches et emmenant leur civilisation, n'ont peut-être plus laissé d'autres traces que celles ténues, élusives de leur campement. Karim Sadr avait déjà suggéré que le nomadisme s'était développé dans un processus de différenciation et de complémentarité économique avec des sociétés territoriales, et étatique. C'est la voie, il me semble, qu'il faut suivre pour comprendre l'insaisissabilité comme la résultante d'un choix devenu irréversible, celui par lequel une société s'est privée des ressources de la sédentarité pour acquérir celles de l'adaptabilité. En devenant mobile, le peuple de Lavage s'autorise à investir des environnements incultes dans une fuite sans retour qui commande l'impulsion migratoire. Il y a là une spécificité du pastoralisme de Lavage par rapport au nomadisme transhumant des bergers d'Ovi-Caprin. Le nomadisme est ce que la vache fait aux sociétés. Venons-en un instant à cette idée même de migration. À vrai dire, une migration de gens, une migration démique, ne rendra jamais compte de la différence linguistique et génétique des sociétés pastorales à travers l'Afrique. À l'inverse, une simple diffusion de Lavage de proche en proche à travers des groupes linguistiques établis ne rendra jamais compte de l'itinérance d'une idéologie. C'est un thème classique que cette opposition des modèles de la mobilité culturelle. Mais il est rendu plus aigu avec ce que j'ai appelé ici la civilisation de Lavage, qui transporte un paquet matériel et immatériel en transcendant les autres différences culturelles. Pour dépasser le couple migration-diffusion dans le cas du pastoralisme africain, j'ai proposé le modèle de percolation. De même que l'eau percole à travers le café en prenant le goût et la couleur, mais en restant le liquide qu'elle est au départ, de même la civilisation de Lavage percole tout au long de son parcours à travers des sociétés en place, tantôt de chasseurs-cueilleurs, tantôt de fermiers, empruntant leur langue et leurs gènes jusqu'à les dissoudre intégralement et prenant de la sorte des aspects différents dans l'espace et dans le temps. Je crois bien que les koï-koï sont le fruit ultime de ce processus conjoint de mouvement et de transformation, indifférent au changement d'environnement puisqu'il est émancipé du rendement du sol, indifférent à l'assimilation sociale dès lors que se conserve l'important, c'est-à-dire les valeurs. En fait, le nomadisme n'est pas ce que la vache fait aux sociétés. Il est ce qu'une idéologie, née il y a plusieurs millénaires, irrésistiblement semblable à elle-même tout au long de son histoire et de son parcours, parce qu'ayant renoncé à tout le reste, faite aux vaches, et elle-même suivie, quelques pas derrière, par nos semblables. Regardez cette image. Elle a été tracée au crayon et à l'encre sur un papier de Hollande au Cap de Bonne-Espérance aux alentours de 1700. Elle lance l'injonction « Suivez la vache ». Ce que font les koï-koï ? Ce que je fais, ce que nous faisons derrière eux, quelques siècles après eux. Elle nous dit aussi, à nous qui ne voyageons plus, à nous qui restons depuis longtemps au kraal, que là, invisibles bien que sous nos yeux, des hommes et des femmes, de vrais migrants, viennent l'instant d'avant de tout laisser derrière eux. Je vous remercie. Cours du Collège de France. Vous venez d'écouter François-Xavier Fauvel, directeur de recherche CNRS à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, La quête du Kraal, pérégrinations et métamorphoses du peuple de la vache. Et en première partie, vous avez écouté Pierre Briand, professeur honoraire au Collège de France, colonisation et migration, les Grecs et les autres au Proche-Orient hellénistique. Nous diffusons de larges extraits du colloque « Migration, réfugiés, exil ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Pierre Briand vient de publier « Alexandre, exégèse des lieux communs », un inédit en folio histoire chez Gallimard. Et François-Xavier Fauvel a publié « Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain » chez Alma en 2013. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Boris Boutleroff. Demain, suite du colloque Migration, réfugiés, exil avec Alain Tarius et Isabelle Thirault. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.